franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Margaret, si je te dis tagine d'agneau ou de poulet d'ailleurs, au citron confit et aux olives. Si je te dis mort sur le Nil, les mille et une nuits. Ouh là là, ça a l'air très très loin, mais je ne vois pas. Bah, enfin, Tintin au pays de l'or noir, le crabe aux pinces d'or, Fernandelle dans Ali Baba et les 40 voleurs, ça te fait penser à quoi tout ça? Ça sent l'Orient en tout cas. Hein, et oui, Marga, nous partons en Orient retrouver l'envoûtante Michèle. Envoûtante, voilà, je ne sais pas si je suis très envoûtante. Ah si, si, si, vous nous appelez d'où en Orient? Mais je suis de l'Orient en France. Ah oui, genre Seine-Saint-Denis. Oui, non, on peut pas dire ça, hein, Michel. La France reste quand même, malgré tout, très occidentale, enfin, je trouve, moi, non? Non, mais l'Orient en Bretagne. Ah, d'accord, eh ben, tant mieux. Enfin, tant mieux, sans vouloir offenser, bien sûr, nos amis d'Arabie. Alors, l'Orient, du coup, chef-lieu d'arrondissement du département du Morbihan, 56. Voilà, c'est ce Lorient-là. Cet Orient-là. Ah ben non, ah oui. Non, c'est ça, c'est ce Lorient, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui amène notre envoûtante auditrice à notre antenne? Qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous, à travers nous, pour que nous puissions, nous, vous conduire, vous orienter vers ce que nous pensons, nous, pouvoir vous donner ce... Coûte que coûte. Alors, anima sana ou corpore sano? J'aimerais parler de mon expérience assez extraordinaire et qui concerne le corps et l'esprit. Oui, l'esprit avec un grand E. Oh, vous avez éveillé notre curiosité, Michel. Alors, Michel EL ou Michel 2LE? Ça s'entend quand même. Ah bah non, ça s'entend pas, ça se prononce exactement pareil. Je suis une femme. Eh bah tant mieux. Enfin, tant mieux sans vouloir offenser nos amis de l'autre sexe. Donc j'ai vécu une expérience très troublante et je voulais juste partager ce moment avec vos auditeurs et vous-même. Oui. Oui, j'ai été conduite d'urgence à l'hôpital suite à un accident de la route, dans un état grave. Oh non. Oui, en fait j'étais dans le coma. Oh là là, oui, donc quasiment inconsciente. Hein. Ben, complètement inconsciente puisque j'étais dans le coma. Oui. Alors attendez, un coma artificiel? Non. Quand les secours sont arrivés, j'étais déjà dans le coma. Oui, mais dans un coma artificiel? Comment ça? Vous faisiez semblant ou pas? Ben non, je vois pas l'intérêt, mais qu'il ferait ça, c'est absurde. Bon, on voit, vous n'avez peut-être pas de grands ados qui refusent de se lever le matin pour aller à l'école. Hein. Oula. Non, mais le coma artificiel, c'est pas faire semblant. Ce sont les médecins qui provoquent un coma pour que vous ne souffriez pas. Allô? Oui, je sais ça, madame. Alors, allons-y. Donc, vous arrivez avec votre vrai coma à l'hôpital, et qu'est-ce que ça? J'ai passé 3 jours dans le coma. Oh, bah ça va. Oh, bah, je veux dire, vous ne vous êtes pas réveillé en vous disant « Oh là là, c'est quoi ces voitures sans chevaux? Et c'est quoi les grosses boîtes avec des images qui bougent à l'intérieur ?» Mais c'est comme dans Hibernatus. Si, il se réveille, mais si, ils lui font croire qu'il est encore dans le passé, en fait. Mais si, mais... Bon. Alors, on vous écoute, Michel. Pendant ce coma, une nuit, je me suis sentie me lever de mon lit et marcher dans ce que je pensais être, je sais pas, comme une sorte de tunnel, avec au bout, comme une lumière blanche au bout du tunnel. Oui, alors Michel, c'est tout simple. Hein. Il s'agit en fait d'une expérience de mort imminente. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que la mort imminente et comment ça marche? Eh bien, d'abord, la première étape, c'est ce sentiment de sortir de son corps. Hein. Ah non, mais attendez, là, Michel. Me voyais. Donc, excusez-moi. Donc, ce sentiment de sortir de son corps et de voir son enveloppe charnelle sur le lit. Puis vient l'incontournable tunnel. Oui, mais... Alors, pardon. Non, juste, je ne sais plus ce que j'ai... Oui, le tunnel. Alors, le tunnel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qui représente le passage entre le monde des vivants et celui, eh bien, plus mystérieux des morts. Oui, non, mais... Michel, en fait... excusez-moi. Pardon, je comprends votre impatience à raconter, hein, c'est normal, c'est une expérience extraordinaire, mais laissez-moi juste donner une petite explication de texte à nos auditeurs. Alors donc, cette lumière blanche au bout du tunnel, eh bien, qui représente les portes du paradis, tout simplement, et c'est Saint-Pierre qui en est le gardien et qui nous fera répondre de nos actions terrestres. Non, non, mais en fait, la lumière au bout du couloir... Du tunnel, oui, en effet, cette lumière représente l'au-delà et la paix éternelle. Alors d'où cette expression que l'on emploie pour remonter le moral d'un ami mourant. Ne t'inquiète pas, tu verras bientôt le bout du tunnel. Ah non, non, mais voir le bout du tunnel, ça veut dire qu'on va s'en sortir. Oui, c'est ça. C'est, il s'agit bien du salut éternel. Non, non, mais je pense pas, et puis en plus, je suis pas croyante. Ah bon, malgré votre expérience de mort imminente? Non, non, mais en fait, ce qui m'est arrivé, c'est pas ça. Je me suis vraiment levée de mon lit, et j'ai marché dans le couloir, et j'étais en train de me réveiller de mon coma, et en fait, j'étais en pleine crise de somnambulisme. D'accord. Et la lumière blanche, alors, vous l'expliquez comment, madame? Bah, c'est ça qui est drôle, c'est que en fait, au bout du couloir, il y avait des portes vitrées, et c'était les phares d'une ambulance qui m'aveuglait et faisait de la lumière blanche. D'accord, formidable. C'est intéressant de nous appeler pour nous raconter ça. Je trouvais ça intéressant parce que c'est rare de se réveiller de son coma de cette façon-là. Plus intéressant que ce que nous réserve l'après, madame? Bah, comme je ne pense pas qu'il y a quelque chose après la mort, tout ce qui se passe de notre vivant, ouais, je trouve ça très intéressant. D'accord, donc rien ne vous empêche de voler, de mentir ou de tuer, hein, puisque ça n'aura pas de conséquences sur votre salut. Bah, ce qui m'empêche de faire tout ce que vous dites, c'est mon sens moral. D'accord. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas croyant que nos actes sont sans conséquences. Bon, on en reparlera là-haut, Michel, si on s'y retrouve. Au revoir. Au revoir, Michel. Eh bien, il semblerait que l'Orient d'Orient soit plus sage que l'Orient en Bretagne. Et la preuve, c'est ce proverbe musulman. La vie est une quarantaine pour le paradis. Ah, comme quoi, hein ? Sur les valeurs fondamentales, on se retrouve tous. Hein ? C'est beau. Alors, cette émission a été mise en onde de la main presque céleste hein, de notre ange gardien, Yann Chouquet. Merci à lui, merci Margaret. Merci Philippe, au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr.